Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau mag dédié aujourd'hui aux résidences d'auteurs dans le centre Val-de-Loire. Parce que créer des temps de rencontre entre les artistes et les habitants, faire sortir l'écriture des bureaux, des maisons d'édition pour l'ancrer dans les territoires, eh bien c'est l'objectif des résidences d'auteurs et d'autrices soutenues par Cyclic Centre Val-de-Loire. Alors en partenariat, on le redira, avec la région Centre Val-de-Loire, la DRAC Centre Val-de-Loire et le Centre National du Livre. En ce premier semestre 2026, 5 auteurs et autrices sont accueillis dans 5 départements de la région, Eure-et-Loire, Indre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher et également dans le Loiret. On y retrouve de la poésie, de la littérature jeunesse, du roman, du carnet de voyage, des projets de création mais surtout des projets de rencontre avec les habitants. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Clémence Aide, responsable du bureau des auteurs et autrices à Cyclic Centre Val-de-Loire. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors Clémence, avant de parler des projets en détail, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que Cyclic ? Oui, bien sûr. Donc Cyclic Centre Val-de-Loire, c'est un établissement de coopération culturelle donc qui est financé par la région Centre Val-de-Loire et l'État et qui est spécialisé sur le livre et le cinéma. Et ça regroupe beaucoup d'activités qui commencent à la création, mais qui va aussi jusqu'au patrimoine avec notamment tout un service qui est dédié à la collecte, à la restauration, à la mise en valeur du patrimoine filmique, donc amateur. Mais aussi avec tout un service éducation qui mène beaucoup d'actions autour de l'éducation à l'image et de l'éducation à la littérature, avec donc le jeune public, et avec la diffusion et notamment les cinémas mobiles, oui. Les grosses salles de cinéma qui tiennent la région, vraiment comme des vrais cinémas, mais pour être accessibles dans des zones rurales aussi. Moi, je travaille plus précisément au pôle création. La mission du pôle création, c'est de soutenir et d'accompagner les filières professionnelles du livre et du cinéma dans la région. Donc, en particulier les auteurs-autrices, parce que moi, je suis responsable du bureau des auteurs-autrices, qui vivent sur le territoire ou qui viendraient pour un projet comme une résidence sur le territoire, qui viendraient créer, mais aussi, côté livre, les maisons d'édition et les librairies, et côté cinéma, les sociétés de production, les techniciens, voilà. L'ensemble des personnes qui font vivre la création dans ces deux champs artistiques sur le territoire. Et d'ailleurs, vous êtes basé à Château-Renaud. On est basé à Château-Renaud principalement et Cyclic est également à Issoudun pour la partie archives, patrimoine, mémoire et à Vendôme pour la partie Cyclic Animation qui est un espace de résidence qui accueille des équipes qui viennent faire des films d'animation et qui sont très renommés parce qu'ils sont souvent nommés aux César, voire aux Oscars. Donc on est très fiers de ça. Et puis c'est pas seulement la création, mais c'est aussi faire connaître le cinéma d'animation auprès d'un territoire, donc principalement le Vendômois, avec la possibilité de venir découvrir des films, de faire des ateliers, etc. Alors justement, vous parliez de résidence. C'est quoi le principe d'une résidence d'auteur soutenue par Cyclic ? Ça marche comment ? Alors, on a deux possibilités de type de résidence à Cyclic côté livre. L'idée de base, c'est que les auteurs et autrices, ils ont besoin de temps et de se dégager un peu d'autres contraintes pour pouvoir se consacrer à un projet d'écriture. Donc, l'idée de base, c'est déjà une bourse d'écriture. Mmh. Et l'autre idée, c'est oui, mais s'ils sont isolés tout seuls sur leur table, c'est pas comme ça forcément que, même s'ils ont besoin de temps, mais ils ont aussi besoin de personnes qui vont venir stimuler, avec qui ils vont pouvoir partager leur processus de création. Ouais, c'est une dynamique pour eux, bien sûr. Exactement. Et donc, on est loin de l'auteur dans sa tour d'ivoire. On voit bien que les auteurs et autrices, ils ont besoin de connaître et partager avec le public avec qui, pour qui ils destinent le livre. Et voilà, c'est cette double dynamique qui est importante dans la résidence. On a deux types de modalités. Soit le dispositif auteur associé, où là, un auteur ou une autrice construit quelque chose avec une structure du territoire, quelle qu'elle soit. Ça peut être une école, ça peut être une association, ça peut être une bibliothèque, une librairie. On a eu une épicerie solidaire. Enfin, ça peut vraiment prendre plein de formes différentes. Là où il y a du public. Exactement. L'idée, c'est quand il y a de la motivation de la part de la structure d'accueil qui va dire l'auteur va venir, il ou elle va rencontrer le public avec qui je travaille tous les jours et ça va créer des choses intéressantes pour d'un côté et de l'autre. Et donc, du coup, ça, c'est auteur associé. C'est des projets qui sont entre 4 et 8 mois. Et pendant ces 4 et 8 mois, l'auteur, l'autrice va venir rencontrer les publics, les personnes sur le territoire, pendant quelques jours par mois. Donc elle va faire, peut faire des ateliers, elle peut faire des rencontres, des cartes blanches, on croise, c'est tout son univers artistique, donc on part du livre bien sûr, puisque c'est des auteurs autrices qui oui. font du livre, qui écrivent des livres, mais on aime beaucoup que ça croise avec de la musique, de la danse, du théâtre, parce que l'idée c'est vraiment de créer un lien vivant, d'aller aussi attraper d'une certaine manière des habitants, habitantes qui pourraient être plus sensible à telle ou telle esthétique et du coup aller découvrir l'univers de l'auteur mais en passant par tel ou tel aspect. Et puis ça, c'est l'idée aussi que c'est participatif, donc on veut que ça soit aussi de la pratique pour les auteurs-autrices, parce qu'on voit bien que c'est comme ça qu'aussi qu'on peut être sensibilisé à sûr. L'importance, mais aussi c'est vraiment un terrain d'expérimentation pour les auteurs-autrices qui vont aller tester des choses, voir comment ça marche, voir comment des enfants ou des personnes plus âgées voilà, vont s'emparer un peu de leurs travaux. Toutes les générations. Et du coup, ça peut arriver que justement des résidences transforment un petit peu la manière dont les auteurs travaillent, que ça les conduise vers peut-être d'autres champs ou qu'ils adaptent au public qu'ils vont rencontrer. Enfin, il y a forcément, j'imagine, un temps d'adaptation. Oui. Alors, pour que le projet soit soutenu, on est sensible au fait que l'auteur ait cette démarche-là de dire « je vais aller tester quelque chose ». Je prends un exemple qui est plus ancien, mais c'est assez parlant. Enfin, c'est une autrice qui s'appelle Sarah Chevaux, qui est une autrice illustratrice des livres jeunesse, qui a monté un projet avec les bibliothèques de Blois il y a quelques années. Et son idée, c'était de travailler sur le fusain. Elle avait envie de faire un album sur le fusain. Mmh. Et elle a dit, on va aller travailler avec les jeunes blésois et on va aller fabriquer le fusain à partir de la plante. On va partir vraiment de la plante et on va créer à partir de ça. Et là, elle a expérimenté beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut créer avec le fusain, qu'est-ce qu'on monte, Et elle a fait un magnifique album qui s'appelle Nuit de chance, qui a été récompensé dans plein de salons et de festivals. Et c'est une fierté aussi, je pense, pour le jeune public qui a été là depuis le départ. C'est clair. Puis quel meilleur moyen de les impliquer que de justement leur faire travailler le projet dès sa genèse. Enfin, c'est vraiment génial. Et juste pour ajouter, donc il y a cette impulsion de départ, cette envie d'expérimenter, mais aussi il y a plein de surprises qui peuvent arriver, et c'est ça aussi qui est très bien. Dans l'imprévu, il y a plein de choses chouettes qui se jouent. Et alors, tous ces lieux qui vous accueillent, les médiathèques, qui accueillent les résidences d'auteurs soutenues par Cyclique, on le rappelle, donc on peut parler des médiathèques, des associations, des établissements scolaires, c'est vous qui allez les démarcher? Ça fait partie de votre travail aussi, vous, de Clémence, d'aller les démarcher pour... Nous, on fait connaître ce qui se passe. Donc, comme aujourd'hui, on raconte ce que d'autres font dans la région, on met en relation. Parfois, les structures, on rencontre un auteur, autrice qui leur dit « Ah, mais vous savez que ça existe, ça ?» Et du coup, ils montent le projet. Mm-hmm. Parfois, c'est les structures qui disent « Ah, mais ça existe, il faut qu'on trouve un auteur ou une autrice. » Et donc, nous, on peut être là aussi source de propositions parce qu'on connaît des auteurs, autrices qui ont envie de venir monter un projet. Donc, toutes les modalités sont possibles. Il y a une dizaine de projets qui se font par an. On essaie que ce soit dans toute la région, dans tous les départements, en zone rurale, en zone urbaine, accès à tous. Accès à tous. On prend vraiment ça en considération, en sachant que bien sûr, c'est pas du tout la même chose en fonction du territoire où on se trouve. Oui. Mais le nerf de la guerre, c'est il faut des structures qui soient. C'est un vrai temps, c'est une vraie professionnalisation de savoir accueillir un auteur, de l'accompagner pour créer tout un projet, pour que ça coïncide avec ce qu'on veut faire passer auprès de son public. Donc, c'est des structures très différentes et de toute manière, ça va être des projets extrêmement différents d'une fois sur l'autre. Il y a des structures qui reviennent très régulièrement et d'autres qui sont plutôt sur un projet parce que ça faisait sens à ce moment-là. Ouais. Mais en tout cas, c'est un vrai investissement qui est hyper, je pense, payant, galvanisant pour les structures. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça qui est aussi très important, quoi. C'est cette partie investissement humain, quoi. Oui, on s'en doute. Donc, si vous êtes venue aujourd'hui, Clémence Aide, je rappelle que vous êtes responsable du bureau des auteurs et autrices à Cyclique Centre-Val de Loire, c'est que justement, il y a en ce moment, en région Centre-Val de Loire, 5 résidences qui sont en cours. Et je vous propose qu'on en parle dans quelques instants après une pause en musique. Vous nous expliquerez les lieux, les auteurs, leur univers, et puis peut-être quelques date à retenir pour celles que l'on connaît déjà. Eh bien, c'est parti, on se retrouve juste après ce petit titre. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. De retour dans le MAG sur Radioactive, nous sommes aujourd'hui avec Clémence Aide. Clémence est responsable du bureau des auteurs et autrices à Cyclic Centre Val-de-Loire. Et ben son rôle, c'est de mettre en lien les auteurs, le public, en plus du soutien apporté par Cyclic à tous ces auteurs qui ont plein de choses à partager avec un public généralement au rendez-vous. Actuellement, au Centre Val-de-Loire, 5 résidences sont en cours. Clémence, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc, je vous parlais de la diversité des territoires. Donc là, on vous détaille un petit peu ce qui est en train de se passer, ce qui se prépare et ce qui se lance pour ce premier semestre 2026. Ça va vous donner une idée. Et bien sûr, diversité aussi des genres littéraires, avec des auteurs-autrices qui peuvent être un peu en début, qui ont publié un ou deux livres et qui sont encore un peu en début de carrière, et d'autres qui sont plus affirmés. L'idée, c'est nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est que chacun, avec sa personnalité, avec l'endroit où il est, va avoir des choses, des enthousiasmes différents et des approches différentes de rencontre avec le public. Alors, nous avons, qui a déjà commencé, l'illustratrice, autrice-illustratrice Juliette Binet, qui a déjà une quinzaine de livres jeunesse derrière elle, donc déjà une belle bibliographie, et qui prépare donc un projet avec l'école maternelle d'Argenton-sur-Creuse. Donc là, on est dans l'Indre, dans le 36. Oui, tout à fait. Donc elle va principalement proposer des choses avec des classes d'école maternelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va aussi faire tout un lien avec le conservatoire, la bibliothèque, la librairie d'Argenton-sur-Creuse, pour aller avoir aussi d'autres publics ou retrouver les enfants qu'elle aura vus dans les classes. Elle va les retrouver aussi ailleurs dans la ville. Donc il y a vraiment cette idée de mettre le livre dans l'espace public avec des rencontres ouvertes. Donc toutes les dates pour Juliette Binet comme pour les autres projets, on les met au fur et à mesure qu'on les connaît. Oui. Sur notre, on fait un article dédié sur livre.cyclique.fr. Et là, pour Juliette Binet, vous pouvez déjà voir différents ateliers avec la précision des différents publics qui se passent soit à la médiathèque, soit à la librairie notamment, ou au centre d'art de la ville. Je précise aux auditeurs, parce que je trouve ça vraiment toujours chouette quand on parle de littérature sur Radioactive, c'est que vous êtes venus avec les ouvrages, donc on en a un exemplaire, c'est pas exhaustif bien sûr par auteur, Mais voilà, on a l'objet, on le manipule. J'ai pu du coup les feuilleter un petit peu avant cette émission. On a des objets qui sont magnifiques avec des illustrations superbes. On fera une petite photo pour les auditeurs qu'on mettra avec ce podcast. Donc Juliette Binet, autrice, illustratrice jeunesse à Argenton-sur-Creuse. Donc c'est la première autrice. C'est elle. Et puis, je n'ai pas du tout parlé de son projet de création, mais voilà, ça rebondit avec ce que vous venez de dire. C'est un projet sur l'explosion et elle est vraiment sur... réfléchir à l'objet livre, faire des explosions de peinture, mais aussi réfléchir à l'explosion en son, qu'est-ce que ça donne et comment est-ce qu'on va le traduire par différentes pratiques artistiques. Et je crois qu'elle dit que c'est la première fois que vraiment elle va créer un album en s'appuyant sur le processus artistique qu'elle va déterminer avec les enfants. Quoi. Mm-hmm. Donc, c'est un challenge aussi pour les auteurs. Complètement. Mm-hmm. Challenge et qui va être super intéressant à suivre aussi. Ensuite, nous avons Sarah Mishkin, qui est une autrice trentenaire, qui a fait paraître déjà un roman, De minuit à minuit au bruit du monde, et notamment un recueil de poésie qui s'appelle La plaie de l'aube. On pourra aussi vous montrer sur les photos les livres qui sont très beaux. Et Sarah Mishkin est accueillie par la bibliothèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle, donc à côté d'Orléans. Et elle va mener plein de rencontres et d'ateliers, beaucoup autour de la pratique de l'écriture poétique. Et c'est une autrice qui est très engagée, qui est aussi performeuse, qui vraiment fait vivre et donne corps et âme à une poésie qui est à la fois très belle et très travaillée en termes de langue, mais qui est aussi assez engagée. Elle réfléchit. Alors là, son projet de roman, c'est un roman d'anticipation, donc c'est entre dystopie et utopie. Et elle réfléchit notamment, alors c'est très féministe, et ça réfléchit aux minorités de genre, ça se veut anticolonialiste, voilà, c'est... Et c'est des thèmes qu'elle va de manière un peu aussi détournée d'une certaine manière via la littérature et la poésie, elle va pouvoir aborder ces thèmes-là avec les jeunes et moins jeunes qu'elle va pouvoir rencontrer grâce à la bibliothèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Super. Alors j'ai pu noter qu'il y avait une date avec elle sur un atelier d'écriture le 14 mars, mais il y a eu un précédent atelier d'écriture, donc c'est peut-être le même groupe qui est concerné par cet atelier. Oui, mais ne pas hésiter pour les personnes qui seraient pas loin. C'est vraiment des ateliers qui sont très ouverts, donc faut pas du tout s'interdire de poser la question pour venir. Vraiment, okay. À mon avis, la bibliothèque vous accueille à bras ouverts. Très bien. Mmh. Donc ça se passe à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret, avec Sarah Mishkin. Troisième projet, si j'enchaîne, avec Emmanuelle Favier, qui est une romancière qui est accueillie par les Amis de la Ferté-Vidame. Donc là, on part plutôt du côté de l'Eure-et-Loire, dans le nord de la région. Et c'est une association qui organise depuis un certain nombre d'années un salon du livre, le salon du livre de la Ferté-Vidame, et un prix littéraire, le prix Saint-Simon. Et là, c'est la première fois, d'ailleurs c'est le cas pour tous les projets que je vais présenter, c'est des projets pour lesquels c'est la première fois que les structures se lancent là-dedans, dans l'accueil d'auteurs au long cours comme ça. Emmanuelle Favier, c'est long parce que c'est jusqu'en septembre, c'est pendant 8 mois, donc c'est le projet, un des projets les plus gros. Ça va se terminer avec le salon de la Ferté-Vidame qui aura lieu en septembre. Elle va rencontrer à la fois du grand public, et donc là il y aura plein de rencontres aussi, également à retrouver les dates sur notre site, alors, notamment en mars, j'ai 24-25 mars en tête, où elle fait des conférences spectacles. Exactement. Mm-hmm. Donc il y a toute cette idée de spectacle. Alors notamment, elle est accompagnée de musiciens baroques et aussi de comédiens pour certaines dates. On est encore sur l'idée de croiser un peu les disciplines et de faire vivre de manière vivante la littérature. Et puis c'est ouvert à tous, à chaque fois on le précise, hein, mais tous ces rendez-vous que vous citez là sont ouverts à tous et la plupart gratuits, tout est gratuit. Ouais, complètement. Okay. Donc ça c'est vraiment très ouvert et il ne faut pas hésiter à aller pousser la porte. À la Ferté, évidemment. Complètement. Et Emmanuelle Favier, qui a plutôt une pratique de romancière, en tout cas qui est plutôt connue pour ses livres, paru notamment chez Albin Michel pour ses romans, là, elle a envie de se consacrer vraiment à l'écriture poétique. Et c'est vrai qu'on sait que, un peu dans notre rôle de politique publique, la poésie, c'est un domaine à la fois qui peut très très bien fonctionner avec un public, quand c'est vraiment vivant, et en même temps, au niveau de la vente de livres, on sait que ça ne vend pas tant que ça. Ça fonctionne moins bien. Bah, ouais, mais pourtant, c'est vrai que ça fédère, parce que la poésie, on retrouve des clubs de poésie encore dans les collèges, les lycées. Enfin. Donc c'est tout le paradoxe, mais c'est là où le soutien public a aussi du sens pour aller soutenir un peu de manière financière, ouais. Une création qui est pas forcément celle qui se vend le plus. Donc Emmanuel Favier, donc là on était en Eure-et-Loire dans le 28 à La Ferté évidemment. Exactement. Et puis on passe à l'artiste auteur Lapin, de son nom d'artiste, un artiste qui habite à Barcelone et qui va venir pour le projet avec l'association Au bord de l'eau. Et il a tout un projet autour du Cher, du canal du Cher, qui s'inscrit un peu dans le projet de l'agence du Cher, la NEC, la nouvelle agence du Cher, pour valoriser aussi les bords de Cher, les maisons éclusières. Et donc, lui, c'est un carnetiste, donc il fait des carnets de voyage. Il en a fait déjà un sur la ville de Bourges, donc il a un lien avec la région c'est déjà. C'est magnifique. Et il y a vraiment un ouvrage entre vos mains, là, qui est superbe, qui s'appelle Bormes les Mimosas. Il est magnifique. Et donc là, lui, il va être vraiment sur le terrain. Il va observer, croquer, mais aussi, lui, bien sûr, son approche, c'est plutôt l'approche du croquis du dessin. Mmh. Et c'est là qu'il va vous inviter, si ça vous tente, à venir notamment faire des ateliers de dessin de croquis et puis pour partager aussi son processus de création. L'idée, c'est qu'un livre en naîtra avec ses dessins, mais également avec la contribution d'autres auteurs. Voilà, c'est un projet qui va se construire sur plusieurs années et ça, c'est un peu impulsé par la structure d'accueil, donc Au bord de l'eau, qui est un espace de coworking à Montsou-sur-Cher qui se lance dans l'accueil de résidences d'artistes. Et j'ai même lu que l'idée, c'était de réhabiliter les maisons éclusières du Cher. Oui. Ça, si c'est pas un bel objectif. Voilà. On pense forcément à Anna, notre guide conférencière préférée au Pays Loire-Touraine et sa passion pour le Cher canalisé. Je pense qu'elle va se régaler avec ses illustrations de lapins. Oui, tout à fait. Bien. Et il nous reste l'Indre-et-Loire. Alors, l'Indre-et-Loire, ça, c'était plutôt pour vous signaler. En fait, j'ai beaucoup parlé des projets auteurs associés, mais à côté de ça, Cyclic soutient 3 résidences qui sont vraiment des résidences pérennes. L'une est en Indre-et-Loire, c'est Livre Passerelle. Ça fait très longtemps qu'elle officielle est bien connue. On les connaît bien. Ouais. Et donc, qui fait un travail magnifique et qui accueille chaque année une autrice, un auteur jeunesse en résidence sur plusieurs mois. Et là, ils ont accueilli Magali Atiogbe, qui était à Tours et qui vient de partir. Mais il est encore temps d'aller voir son exposition qui est encore jusqu'à la fin du mois de février, au tiers-lieu, qui est un lieu à Tours. Donc là, on est sur l'Indre-et-Loire, et c'est aussi une restitution de tout ce qu'elle a pu faire avec notamment des lycéens et des jeunes pendant sa résidence. Donc l'autrice a achevé sa résidence, mais les traces sur le territoire et ce qu'on peut venir voir, c'est encore bien là. Et Livre Passerelle accueillera, on ne sait pas encore le nom de la nouvelle personne, mais une personne à partir de juin. Donc voilà, on sait que ça, c'est des résidences qui sont vraiment pérennes. Il y a celle-là à Tours, il y a Livre Passerelle à Tours, dédiée à la littérature jeunesse, une dédiée à la BD qui est à Blois, qui est menée par la Maison de la BD, et une qui est dédiée à la littérature du réel, l'écriture du réel, qui est à Enrichemont dans le Cher. Et j'ajouterai pour compléter votre propos, Clémence, que l'exposition de Magali Atiogbe s'appelle « Comment ça va ?» Oui, tout à fait. Elle traite de quoi, un petit peu, cette expo ? C'est vraiment la restitution qu'elle a pu faire avec les lycéens. D'accord. Donc, on va y trouver plein de choses. Et je vous invite à découvrir l'univers, si vous ne le connaissez pas, de Magali Atiogbe, qui est une autrice illustratrice très talentueuse, qui a un vrai univers et donc à découvrir. Alors, ça veut dire que vous, Clémence, avec votre baluchon, vous drainez tout le centre Val-de-Loire pour aller à tous ces rendez-vous ? Eh ben non. Moi, personnellement, on ne peut pas y aller à tous les rendez-vous. Donc, c'est vraiment les structures qui, chacune, mènent leur barque de manière très professionnelle. Et nous, on est vraiment là en relais. Donc, on est en accompagnement. On accompagne les projets avant qu'ils se fassent pour les construire. C'est construit entre la structure et l'auteur. Mais notamment, quand il s'agit de structures qui accueillent un auteur pour une première fois, on est vraiment là pour veiller à ce que tout se passe au mieux et que tout soit bien anticipé. Et après, le projet se déroule. On est aussi là pour vérifier que tout se passe bien. Mais on ne va pas être, nous, en direct, cyclique avec le public sur ce volet-là. D'accord. Très bien. Eh bien, bravo, parce que c'est une très très belle manière de démocratiser l'accès à la littérature, tous ces projets, toutes ces résidences qui permettent aussi, on imagine, de créer des dynamiques durables sur le territoire. De créer des dynamiques durables, de créer peut-être des vocations, de personnes qui auront rencontré un auteur, une autrice et qui se disent « Ah, moi aussi, ça fait écho à quelque chose que j'ai envie de porter, une démarche artistique, et que ça soit juste aussi du loisir et de... Du plaisir. Du plaisir, mais oui. Voilà, du rôle de la culture, que peut jouer la culture dans notre vie, à tous et à toutes. » Tellement essentiel. Oui. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pratiques avec les dates qui vont venir au fur et à mesure, les certaines propositions de conférences notamment, comment on participe? Alors, on essaie de mettre le plus de dates possible au fur et à mesure sur notre site. On a un article dédié pour chaque projet, donc c'est sur livre.cyclique.fr. Et après, on relaie comme on peut sur les réseaux sociaux, mais Cyclique étant très vaste avec plein d'activités, oui. Pour que ça soit un peu lisible, on ne peut pas tout relayer, mais par contre, les structures font elles-mêmes un gros travail aussi de communication. S'il y a tel ou tel projet qui vous intéresse plus, les structures et les auteurs communiquent. Ouais. Et voilà, on vous conseille aussi de suivre sur les réseaux sociaux. Ou sur les... Livre pluriel ou singulier ? Singulier. Ouais. D'accord, donc livre au singulier, .cyclique.fr, super important. Eh ben, merci beaucoup Clémence. Eh ben, merci à vous. C'était un chouette moment passé avec vous pour nous présenter ces 5 auteurs, ces 5 départements, les ateliers, les lectures, les expos, les rencontres publiques, et donc des résidences qui sont soutenues par Cyclique Centre-Val de Loire et qui montrent que la création, bah, elle est proche de nous, au cœur des territoires, avec celles et ceux qui y habitent. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir ces projets et puis rencontrer les auteurs, c'est toujours des moments très très chouettes. Toutes les infos sont disponibles sur livre.cyclique.fr au singulier. Tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup Clémence d'être venue nous éclairer sur toutes ces résidences. C'est la fin de ce mag que vous pourrez réécouter en podcast et également sur notre page Facebook. À demain pour un nouveau numéro. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.